L'émission Hors-jeu vous est présentée par ledanslescoulisses.com. Ledanslescoulisses.com, c'est le spécialiste dans l'actualité et les rumeurs dans la Ligue nationale de hockey et chez le Canadien de Montréal. Pour savoir ce qui se passe avant même que ce soit une nouvelle, ledanslescoulisses.com. Et par Sacha Lefebvre, illustrateur. Pour tous vos besoins en imagerie, logo et infographie, c'est Sacha Lefebvre, le spécialiste. Communiquez avec lui au sachalefebvre.daportfolio.com. Il saura mettre votre imaginaire en dessin. Sacha Lefebvre, illustrateur. Amateurs de hockey, bienvenue. L'émission Hors-jeu débute avec vos animateurs, JB Gagné et Jerry Godbout. Salut tout le monde, bienvenue dans Hors-jeu, JB Gagné, votre animateur, et Jerry Godbout, mon co-animateur, slash animateur, gars gêné qui s'intente pas d'animer, là. Salut Jerry. Salut JB, je vais peut-être animer un moment donné, on verra. Le prochain show, moi ça me prend la pression populaire, je veux genre manifestation là, sur les réseaux sociaux, Jerry animateur, là, genre on décolle un hashtag. Jerry animateur, là, pis si on atteint genre la barre des comme deux, là, on le fait, ok? Mais là, attends une minute, là. Un objectif réaliste. Hey shit, hein, ouais, c'est. William pis JS, je compte sur vous autres. On sait déjà c'est qui. Épisode numéro 13, c'est parti la folie, lendemain de la date limite des échanges. Nous sommes le 3 mars. Épisode 13, Matt Sundin ou encore Steve Pinizzotto. Pinizzotto, parce que je trouvais que ça sonnait fruité et sexuel en même temps. Ouais, faut que tu le dises vite. Pinizzotto, Pinizzotto. Donc, Pinizzotto, 30 ans actuellement, oui, en ce moment, là. C'est un gars de l'alignement des Oilers d'Edmonton. Ça faisait un bout qu'on n'avait pas parlé. Fait que moi, je trouve que d'avoir un joueur recru de 30 ans, les Oilers, vous êtes sur la coche. Le gars, genre, il a 40 matchs dans la Ligue nationale. Et il a eu sa première participation à un match de la Ligue nationale en 2012-2013. Il avait donc 28 ans. Hein? Tu sais, Mathieu Darche, 2.0 dans ta pipe. Donc, Pinizzotto. J'aime dire son nom. Salut, Steve. Fait que, c'est quoi le show qu'on fait aujourd'hui, Jerry? C'est quoi la thématique? Pourquoi qu'on est là? Ben, ça a l'air qu'hier, ben, il y a eu genre une couple de joueurs qui ont comme changé d'adresse. Fait qu'on va en parler. C'est la date limite des transactions. Et tu sais, Dieu seul sait comment vous attendez notre opinion à nous autres pour vous faire une idée de qui a gagné, qui a perdu, qui est meilleur tout d'un coup. Hein? Nous sommes des références, donc on va vous donner notre avis, même si ça compte fuck all dans vos têtes. Ouais. On est de même. Ah. Moi, j'ai hâte de voir nos avis qui ne fêteront pas parce que tu sais, moi je tripe ses Ducks puis pas toi. Là. Alors, sur le jersey, je vais pas parler de l'équipe. Là. Ouais, ok, ouais, mais quand même. D'ailleurs, c'est 1-0 Team JB là-dessus. Hein. Non. Oh, oui. Ça ne fête pas, t'as payé JS. Non. JS qu'on te salue. D'ailleurs, allons-y avec nos gagnants de la date limite des transactions. On se donne pas de limite, on se donne pas le nombre qu'on va faire. Qui on trouve qui a bien performé? Pourquoi? On regarde un petit peu qu'est-ce qu'on fait. On ira après ça avec les perdants. Puis qui qu'on favorise pour la coupe. Et en dernier lieu, j'ai une petite surprise, ok? Je veux qu'on parle des moins bons. Parce que c'est le fun. C'est bon. On y va avec ça. Vas-y avec ta première équipe gagnante à la date limite des transactions. Ma première équipe gagnante, j'ai plein de feuilles pour vrai, j'ai pris trop de notes. Dans le fond, mes premiers gagnants. Ils vont être gagnants dans l'avenir parce que je ne crois pas que c'est avec ce qui ont été cherchés que cette année ça va donner fruit. Mais Arizona, qui selon moi ont fait le plein pour l'avenir, ils ont été chercher Anthony Duclair, Ils ont un Max Domi dans leur cours. Je vois déjà un duo plus tard. Ils ont laissé aller aussi quelques. Bon, il y a d'autres noms aussi que je connais pas nécessairement. Là, ils ont quand même cherché des choix de première ronde cette année et l'année prochaine. Des choix ça de deuxième. Ça veut dire qu'ils en ont deux pour les deux années. C'est très bon, là. Si tu veux rebâtir une équipe, vitesse grand V, c'est de même qui fonctionne. C'est ça, tu sais, il y a des joueurs que je connais pas comme Maxime Letounov, Klas Dalbec, puis David Leggio, je connais pas, tu sais. Mais tu le sais pas, ça va peut-être être une surprise plus tard. Et ce sont aussi des parties de certains joueurs qui, selon moi, pas qui faisaient stagner l'équipe, là, mais écoute, ça allait nulle part. Puis ils ont été capables de chercher justement, tu sais, comme Keith Yandel. Ben beau que c'est un bon défenseur, mais tu sais, quand le défenseur est plus capable, ben pas qu'il est pas capable, mais qu'il est allé jouer une place, je pense que ça l'aide juste pas l'équipe. Puis justement, cet échange-là a permis d'aller chercher Anthony Duclair, qui selon moi va sûrement jouer l'année prochaine dans la Ligue nationale avec les Coyotes. Peut-être même que Domi va jouer lui aussi. Ouais, sinon ça aurait été ça serait un recul là, si je joue pas dans la Ligue nationale l'an prochain. Parce qu'il a fait quelques matchs avec les Rangers cette année, donc. Ça serait surprenant qu'il soit pas dans la Ligue nationale. Fait que ça serait cool, tu sais, un duo de Domi puis Duclair déjà l'année prochaine. Ce qui est intéressant pour la formation des Coyotes de l'Arizona, c'est que, tu sais, deux des trois gars étaient à la dernière année de leur contrat, tu sais. Ils tombaient agent libre, puis ils étaient pour ne rien avoir pour eux autres. T'sais. Les gars étaient pour partir sans que t'aies rien en retour. Tandis que là, ben, ils ont eu des choix, ils ont eu des trucs pour les années suivantes. Et mettons l'an passé ou il y a deux ans, là, la même cuvée de joueurs des Coyotes qui aurait été disponible en même temps que les autres joueurs, il y aurait probablement moins ramassé. Mais cette année, la cuvée était tellement faible que ça a donné genre qu'Antoine Vermette, ça a donné un premier choix, tu sais. Ouais. Pas se poser, tu sais. C'est un gars de troisième trio, très très utile, là. Un très très bon, mais c'est pas un gars de deux premiers trios. Là. Puis en plus, ben tu mets ça en même temps avec la perte de Patrick Kane pour 10 semaines, je pense, 9 ou 10 semaines. Oh, ben il y a pour prendre presque la saison complète. Ouais, quasiment la saison complète. Tu sais, il y avait un sentiment d'urgence pour un attaquant de premier plan, il n'y en avait pas, fait que tu te rabats sur le meilleur disponible. Tadam, Antoine Vermette, ça te donne un premier choix, tu sais. Mais d'une année normale, ils l'auraient pas eu, fait qu'ils ont quand même bien tombé. Puis tant qu'à reconstruire, ben, ah ouais, tu sais, clenche. Ils savaient qu'ils étaient pour être borderline. Ben, écoute, ils n'ont pas attendu. Ils ont pas perdu le temps. Puis, ils ont donné la claque tout de suite. Ouais, ben, honnêtement, je pense que vraiment, il va aider Chicago. Je veux dire, justement, sur le plan défensif. Mais c'est pas Patrick Kane. C'est subtil, là, mais la différence est là. Là. Ouais. Sinon, tu sais, des joueurs comme Mialek, justement, qui ont échangé puis qui étaient blessés, ils ont quand même été capables d'avoir de quoi pour. Non, sérieusement, je pense que l'avenir peut être quand même rose, tu sais, avec des Ekman-Larsson qui vont vraiment s'établir comme des joueurs de premier plan. Bodker aussi, qui va probablement former un duo, un trio, dans le fond, avec Duclair puis Domi un moment donné, là. Fait que non, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. C'est sûr que ça peut se planter. Ils sont gagnants à première vue. Peut-être que dans un an ou deux, on va dire oh, finalement, ils ont rien eu parce que les joueurs s'établissent pas. Là, mais comme je te dis, dans la perspective que de toute façon, t'es pour avoir un club moribond, t'as déjà pas des très très bons résultats là actuellement. Tant qu'à attendre de perdre les gars pour rien, ben au moins t'as eu quelque chose en retour, tu sais. C'est ça. Non, c'est ça. Puis c'est un genre de reconstruction si on veut. Fait que. Mais j'ai hâte, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'il fasse d'autres changements aussi, là, mais je pense que ça va dans le bon sens. Ça. Sinon, quel autre club gagnant? Parce que là, je fais l'animateur puis je te pitch, là, mais en même temps, je vais essayer de mettre mon petit grain de sel aussi. Là. Ouais, ben en fait, moi, mon autre équipe gagnante qui. C'est vraiment la brigade défensive qui me fait voir à quel point ils ont été gagnants. C'est les Rangers, justement, avec l'acquisition de Keith Yandel qui peut aider l'équipe. Dans le sens qu'il n'arrive pas là comme un top 2 ou un top 4, il arrive là comme un top 6. Ce qui veut dire que, dans le fond, comment je peux dire, c'est que tous les défenseurs à Star sont vraiment top 6. Fait qu'il y a moins de pression sur chaque joueur. Sérieusement, la défensive, les Rangers, là, je regarde ça et je fais wow, j'ai comme peur de les affronter. Là. Encore là, ça peut se planter aussi. Le gars, il arrive en fin de saison. Tu sais pas si la chimie va se faire, mais Tabarouette, écoute, Mark Stahl, McDonough, Yandel. Boyle, c'est moins bon tout d'un coup là, depuis la dernière année, là, mais... C'est quand même solide. Le top 4 avec Stahl aussi, là, il est très très solide. Là. Ouais, en tout cas, moi je pense que eux autres, ils se sont bâtis pour les séries en espérant aller encore en finale. Je mettrais peut-être un petit 2 là, pour au moins la finale de l'Est. Non, j'ai vraiment hâte là, de voir ce que ça va donner. Puis je trouve que c'est... je sais pas, je trouve qu'ils ont vraiment amélioré leur défensive. Par contre, pour l'année prochaine, là, sur 6 gars, ils ont 36 millions de dépensés déjà en salaire garanti pour l'année prochaine. Ça, c'est sûr, mais... C'est beaucoup, là. On va en reparler dans la section des perdants. OK, t'es en train de me dire qu'ils vont être dans les deux places? c'est après la pause! C'est subtil! Moi, dans les clubs que j'aime bien ce qu'ils ont fait, je te dirais que les Ducks d'Anaheim, c'est pas tous des tops, OK? Sauf qu'il y a des gars qui pourraient se réveiller. James Wisniewski, c'est un gars qui est capable de générer de l'attaque. Simon Després, moi, je comprends mal comment ça se fait que les Pingouins s'en départissent. Oui, il y a d'autres jeunes qui poussent en défense, mais c'est pas parce qu'ils poussent pour se rendre borderline NHL qui est rendu dans la Ligue nationale. Tu sais, le step, là, c'est pas la même game des fois, hein? Fait que tu sais jamais. Fait que il me semble que c'est un risque que moi, j'aurais pas pris. Ils se sont comme imposé ce risque-là d'avoir une chance de moins d'avoir un gars qui est NHL. Simon Després, c'est pas un gros salaire en plus. Là, tu sais, fait que j'ai un petit peu de misère à concevoir pourquoi on s'en est départi. Tant mieux pour les Ducks. Là, après ça, il y a des points d'interrogation. Fleischmann, Sekash, Sgarboza. Tu sais, c'est pas la mer à boire, mais c'est tous des gars qui ont toujours eu un certain potentiel offensif. Peut-être que là, dans le nouvel environnement, avec les Ducks, ça va fonctionner. On verra qu'est-ce que ça va donner. Ben, moi, vraiment, James Wisniewski, j'aurais pas dit non à un retour à Montréal, malgré son salaire. Moi, je trouve qu'il avait super bien joué à Montréal, puis je suis sûr qu'il aurait encore bien joué. T'sais, ils ont droppé du salaire pour... Ils ont renvoyé Bourque dans Balance. T'sais, Danny Hitley, c'est un gros salaire aussi. T'sais. Ben, ils se sont vraiment départis d'une coupe de poids mort. Là, Il y a juste William Carson qui sont départis et Devin Smith-Pelly qu'on peut dire que c'est des jeunes prometteurs. À un moment donné, si tu veux recevoir, il faut que tu donnes. Et voilà. Et eux autres aussi, ils commencent à penser que la fenêtre d'opportunité est en train de se fermer. Là, Perry et Getzlaff sont pas super vieux, mais ils ne rajeunissent pas non plus. T'sais. Non, ça c'est sûr. Il faut en profiter pendant que c'est le temps. Là. Ouais. Non, je suis d'accord avec... avec les Ducks, ça c'est. J'avoue, vu de même. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont été chercher justement des jeunes ou des trucs pour solidifier. Puis qu'ils se sont départis. Bon, on s'entend, le René Bourque, là. Peut-être en partant. Quand t'es capable d'échanger ça, t'es fort. Ouais. Hey, les Flyers, moi je les mets dans mes tops. Ce qu'ils ont eu pour là maintenant, il n'y a rien de tangible. Bon, tu sais, quand on dit une équipe, là, les joueurs peuvent pas vouloir la perdre, là. Bon, on s'entend que les DG, eux autres, ils peuvent vouloir perdre, là. Ben, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, quand tu te départis de Kimmo Timonen, Braden Coburn, dans la même journée, puis qu'en retour, tu reçois juste Radko Gudas qui joue NHL, c'est parce que t'améliores pas ton équipe, tu sais. Non, pas vraiment. Pas pour le tout de suite, tu sais. Sauf que le plus gros avantage, ben, c'est l'espace sur le plafond salarial. C'est deux gros salaires. C'est surtout des gars... Kimonen n'a pas joué de la saison. Là. Il revient, là, il a grosse blessure, gros salaire. On a un premier choix. On a ramassé là, pour 2015. Un premier choix. Un choix de deuxième tour pour 2015. Un choix de troisième tour pour 2015. Et un choix conditionnel de quatrième tour pour 2016. Moi, je trouve ça très intéressant pour départir en plus de la masse salariale. Là. Et avoir des choix au repêchage qui vont te permettre de regarnir ta banque d'espoir. Très intéressant. Puis en plus, ben, on s'entend, là, ça, c'est dire à son équipe, ouais, on veut pas s'aider, on veut perdre. Ben là, on mise sur la loterie, tu sais, on mise à avoir un bon choix au repêchage en plus avec leur pick à eux autres. Fait que moi, je trouve ça intéressant. Ouais, ben, c'est sûr qu'eux autres, c'est pour l'avenir, là. Mais tu sais, encore là, faut qu'ils repêchent comme du monde, mais ils se donnent de la marge de manœuvre, là. Je pense qu'on a, on a fait le tour pour les winners. Je pense que oui, mais j'en avais juste deux. Puis okay. Tout aussi, ça là. Bon, ça donne de même. Les perdants de cette journée-là, qui? Ben écoute, c'est pas un surprise en passant, vu que je viens d'en parler tantôt. Les Rangers, je les classe aussi dans les perdants. Parce que oui, ils se sont améliorés immédiatement pour les séries avec leur brigade défensive, mais ils ont perdu beaucoup d'avenir juste en Anthony Duclair, puis ils ont quand même donné deux choix de ronde, trois choix de ronde en fait. Le premier puis le deuxième de cette année, qui aurait pu être utile, en tout cas selon moi. Là. Mais ce qui est intéressant avec un choix de première ronde des Rangers, c'est que ils finiront pas premier, tu sais. C'est pas non. Comme le choix de première ronde. C'est les Prédateurs de Nashville qui ont changé leur premier choix aussi. Là, tu te dis, ils sont quasiment assurés de finir un ou deux, tu sais, dans l'Ouest. Probablement un, là, avec l'équipe qu'ils ont. Fait que, tu sais, le choix, il va se ramasser minimalement 27e, tu sais. Tandis que les Rangers, eux autres, là, sont en plein milieu de peloton du classement général. Fait que le pic, là, ça se peut qu'il soit dans le top 20, tu sais. Là, tu commences à avoir la possibilité de ramasser quelque chose au repêchage. Tu sais, c'est moins un coup de dé, là. Non, c'est ça. Ben, les Rangers sont tout le temps au milieu de peloton. Fait qu'on dirait que leur choix de première ronde est tout le temps. Ils sont deuxième dans l'Ouest, mais à 84 points. Puis à une distance respectable, t'as les Islanders qui ont autant de points. T'as Tampa Bay qui est à 2 points. T'as Détroit et Pittsburgh qui sont à 3 points. C'est extrêmement serré, là. C'est pas long que tu viennes de débarquer de la 2 et tu te ramasses en 6, là. Mm-hmm. Fait que c'est un plus gros gamble pour leur choix de première ronde. En même temps, comme on a déjà dit, ça dépend toujours de ce que l'équipe va faire avec. Puis ça veut pas dire que si les Rangers avaient eu le choix, l'avaient utilisé, auraient fait la même sélection que l'équipe qui l'a maintenant. Effectivement. Mais j'ai hâte de voir pour l'avenir. Mais déjà, la perte d'Anthony Duclair, je trouve que ça va pas. Je pense que ça va jouer. Mais tu sais, comme tu dis, il faut donner pour recevoir. Eux autres, ils voulaient de la brigade défensive tout de suite pour améliorer leur défense. Puis on va dire comme Bergevin dit tout le temps. T'as jamais assez de défenseurs. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner à Coyote et aux Rangers pour l'avenir. Là. On a été dansé. Ça c'est sûr. Là. On a été. On a pris du guess. Ouais. Sinon, tu avais-tu quelque chose ou. Dans les perdants? Ouais. J'essaie de regarder vite. Je sais que toi, t'as comme plus de notes que moi. Là. Moi, je me pitch un peu. Un peu à la va-vite. J'essaie de regarder. Parce que moi, en fond, j'en ai un autre vite fait. Ouais, vas-y. Je vais te donner les Red Wings. Parce que moi, comment je pourrais dire, ils ont été chercher. Non, on va dire vite fait ce qu'ils ont été chercher. Eric Cole, Marek Jidlicki. Ouais. Et un choix de troisième ronde en 2015. Ils ont donné Matas Janmark, Mathias Backman. Je les connais pas, mais pas un sûr que c'est des bons prospects. Deux choix de ronde, donc un deuxième choix de cette année et un troisième de 2016. En partant, moi je trouve que donner des. En fond, le trade ça a été Matas Janmark, Backman et un choix de deuxième ronde pour Eric Cole. C'est beaucoup. Eric Cole et un choix de troisième, mais moi je trouve ça beaucoup là. C'est ouais ben c'est beaucoup c'est ça l'affaire c'est je comprends pas comment que Eric Cole vaut deux prospects et un choix de ronde. Faut que tu espères que le gars cadre parfaitement avec ton équipe réussit à s'imbriquer puis que il va rajouter une petite couche de magie, je sais pas et moi aussi pour vrai là, je suis complètement embêté sur le comment ça se fait qu'on a donné tant que ça. Le gars a 33 points en 57 matchs. C'est un soubresaut par rapport à l'an passé. En 75 matchs, il avait eu 29 points. OK, c'est mieux. Mais c'est pas amer à boire. Là. Je ne suis pas redevenu un joueur élite comme les équipes s'arrachaient dans le temps. Là. Non, c'est sûr que dans le temps où il jouait à Montréal et qu'il a battu son nombre de buts. Mais tout, ça, mais... encore là, moi, tantôt, je te parlais de Vermette, là, la transaction, en disant c'est la faiblesse du marché qui a fait que Vermette vont les premiers choix. C'est probablement la faiblesse du marché en attaque. Qui a fait que un gars comme Eric Cole vont un deuxième choix. C'était une très très mauvaise année pour une équipe qui avait besoin d'attaque. Là, c'était pas une super bonne année. Là. Puis ça a donné ça. Ça donne que les DG s'enflamment à la date limite des transactions, voient leurs besoins, puis se ramassent à magasiner pour une Ferrari. Mais dans la cour du concessionnaire, il y a juste des Mercedes, puis des Honda, puis des Toyota. Tu sais. Ouais. Ça donne ça. Puis en même temps, Zidlicki, c'est la même affaire. Lui, tout vieillit, puis C'est pas un marchand de vitesse. C'est une couple d'années là, que c'est plus le défenseur solide qui l'était, tu sais. Moi, j'ai de la misère, là. Non, mais ça, c'est mes deux perdants, là. Je veux dire, j'ai bien de la misère avec ça. Je sais pas, en tout cas. Je trouve qu'ils ont trop donné de jeunes pour avoir du vieux. Je trouve que quand tu fais ça, t'es perdant. À moins, encore là, écoute, Eric Cole et Ezekiel vont peut-être avoir un impact super positif avec les Red Wings, puis ça va changer, mais pour le moment, j'ai de la misère. Peut-être. On verra. Moi, dans mes losers, j'ai même pas une équipe. Je mets un joueur. Un joueur? Ben oui. Tu sais, quand t'es à la date limite des transactions, puis t'es dans une équipe pas bonne, tu te dis, ben écoute, je ne peux qu'améliorer mon sort. Je vais me ramasser avec une bonne équipe. Tu sais? Mais quand tu te fais échanger, tu sais, t'as plus de 1200 matchs dans la Ligue nationale, plus de 1000 points, puis tu te dis, ah, c'est peut-être ma dernière saison, je viderai une Coupe Stanley, moi, là. Puis t'es dans un club perdant, puis tu te fais échanger pour les Panthers de la Floride. Jaromir Jagr, je suis convaincu que c'était pas sa destination de choix. Il fait beau, il y a du gros soleil, il y a des palmiers, mais pour gagner une Coupe, c'est pas la meilleure place. Non, c'est sûr. Mais encore là, imagine si Jagr est capable de remonter l'équipe avec son leadership et que les Panthers rentrent en série et que là, dans la série, pourquoi tu es en train de me dire ça comme raison pour croire en tout ça? Là. Non, mais imagine! Ça fait beaucoup de si. La serait vue comme un sauveur. Okay. Puis écoute, ça serait Hall of Fame, même s'il jouerait encore l'année prochaine. Fait gagner le coup aux Panthers. Hey. Bon, ça serait digne de Disney, film, ça. Ouais, un film d'Hollywood là, avec Michael Bay, ben des robots. Non, mais pour vrai, là, c'est, si on enlève toutes tes scies de magie d'Hollywood, puis Disney avec des princesses, là, dans la vraie vie, Jaromir Jagr est pas content. Là. Non, c'est sûr. T'sais, mets-toi dans ses shorts. Là. Oui, c'est des shorts qui valent fucking cher, là, mais... Prends deux secondes, là. Mets-toi dans ces shorts, là. Oui, t'as de l'argent. Oui, t'as des palmiers. Oui, t'as du soleil. Mais si, bois, t'es avec les Panthers de la Floride, là. Pour ta dernière saison, ton dernier tour de piste, ta possible, ta dernière chance de la Coupe Stanley, là. Tu veux pas te ramasser avec eux autres, là? Ah non, c'est sûr, ben... Je sais pas. Y a-tu dit à quelque part qu'il voulait pas aller là? Ben, y avait pas de clause à son contrat pour... mentionné qu'il voulait pas aller à certaines places. Fait qu'il y a aucun droit de regard. Fait qu'il y a pas le choix, là. Puis il peut plus se faire échanger, là, d'ici à la fin de la saison. Il n'a plus le droit. C'est terminé. Moi, je suis un peu déçu pour le gars. Mais en même temps, en 1994, il y avait rien qu'à pas dire. Je dis ça de même. Je sais pas l'année. Mais après avoir gagné sa première Coupe Stanley, puis avoir gagné son premier championnat des pointeurs, il dit, bon, ben moi, ce que je voulais accomplir dans la Ligue nationale, c'est fait. À cette heure, je veux de l'argent puis des filles. Ouais. T'sais, non, du coup, c'est... la volonté de réussir, c'était pas top, là. Mais tu sais, en même temps, je suis sûr que là, il a gagné en maturité, puis qu'il visait une Coupe Stanley, puis... Ben écoute, il l'aura pas. Qu'est-ce que tu veux? Encore là, si... Non, c'est bon. C'est beau rêver. Hey, parlant de Coupe Stanley, c'est qui tes favoris pour la Coupe? Mes favoris pour la Coupe, s'il y aurait un joueur qui ne serait pas blessé, je t'aurais dit Chicago. Mais je ne crois pas qu'avec Vermette, ça va se concrétiser. Mais sinon, en tant que tel... Quoi? Tu es en train de me dire que Vermette est moins bon que Patrick Kane? Ouais, comme tu dis, c'est subtil, là, mais pas le même joueur, tu sais. Mais sinon, si la brigade défensive des Rangers peut être solide à ce point-là, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit ça des fois, là, pour gagner un match, ça te prend un but. Il faut qu'il y en ait zéro de l'autre bord. On va dire qu'avec les six défenseurs qu'ils ont présentement et Lundqvist qui est dans les buts, ça peut faire des flamèches. Puis l'année passée, ils se sont quand même rendus en finale de l'Est, en finale de la Coupe. Tu sais, peut-être qu'ils vont être capables de refaire encore, mais tu sais, je ne sais pas. Ça serait dans mon top 3, mais sinon, mon préféré en tant que tel pour la Coupe, honnêtement, j'ai aucune idée, parce que, comme je dis justement avant l'émission, j'ai de la misère à prédire les séries parce que c'est tellement pas pareil comme dans la saison. C'est un autre game, c'est le jeu est différent, les arbitres sont plus caves. Fait que tu sais, ça te change vraiment ta game. Mais je mettrais peut-être un petit 2 sur les Rangers. Sinon, c'est pas. Hey, les Canadiens, ça serait nice. Mais ils ont pas encore le top 6 qu'il faut pour aller chercher la coupe. Non. Pas convaincu. On va y aller avec les Rangers. Juste la brigade défensive. J'espère que ça va marcher. Moi, je la donne à Nashville. Parce qu'ils sont pas supposés être premiers, tu sais. Ah ouais, j'avoue, mais j'avoue que je me suis... Ils sont, tu sais, puis... il y a une couple de belles histoires Cendrillon, là, me semble, cette année. Puis tout va bien. Puis, tu sais, ils ont un gardien élite. Une défensive digne, écoute, des Rangers, mettons. Puis encore peut-être mieux. Puis, tu sais, en attaque, t'as des pointeurs d'un point par match. Tu sais, tout est là. Tu sais, la sauce est au complet là. Tu sais, tous les ingrédients. Moi, je vise la coupe. Si je suis eux autres, puis d'ailleurs, on l'a vu avec le move de Frentzen, eux autres, ils se disent, le premier choix qu'ils ont dépensé, c'est un 27 et plus. Ça fait que ça coupe Stanley. Là. Rien de moins. Ça va être une finale Nashville Rangers. Ouais, puis Gary Bettman va être moins content que l'année passée. Parce que ouais. Moins payant, là. Ouais. Ah, tu sais quoi, ça va peut-être ramener... Non, mais c'est pas Los Angeles, là, Nashville. Là. Ouais, non. Juste te dire, tu sais, en termes de nombre d'habitants puis d'impact économique, là, c'est complètement différent, là. Gary Bettman, t'es content l'année passée, là, avec les Rangers, New York puis LA, là. Dans la finale de l'Ouest, ça va être probablement Anaheim. Nashville. Fait que tu sais, déjà là, ils peuvent-tu faire ça? Là? Ou ils se pognent direct en partant? Là? Je me souviens, j'ai pas encore assimilé les nouveaux placements dans les séries. Ah non, Nashville, non, ils vont se pogner à la finale de conférence, ils sont 1 et 2. Fait que ils peuvent pas. Ah, fait, c'est bon. Que ça soit. Non, c'est impossible. Ils peuvent juste se pogner à la finale de conférence. Ça serait fou, là. Ouais. Ils vont faire son cash là. Anaheim, c'est proche de la Californie, ça. Ben, ouais, ouais. C'est drette dedans, en fait, là, mais. Ouais, c'est pas pire dedans. Hey, je veux savoir, Marc Bergevin, là, on lui donne quoi comme note? Ben, moi, honnêtement, je donne une très bonne note. Je voyais là qu'un B+. B+, parce que. Il a pas été chercher le top 6. Bon, comme qu'il l'a dit, il y en avait pas. Puis, je suis content qu'il ait pas été chercher quelqu'un en pensant que c'est un top 6 en donnant plein d'affaires comme deux prospects puis un choix de ronde. Parce qu'Eric Cole, c'est pas un choix de prendre. Ben, il a donné un deuxième pas un troisième à... pour Petrie. T'es sûr que toi, un troisième, c'est pas un 2 puis un 5 qu'il a donné? T'as peur, ah, c'est un deuxième choix de ronde. Oui. Puis un cinquième choix de ronde qui est conditionnel. Oui. C'est quoi la condition? La condition, c'est s'il finisse, s'il passe en ronde 2, ouais. Il donne un troisième. Oui. Tu penses-tu que les Canadiens vont finir la ronde 2? Ben là, on vise quoi? On vit sur moi que l'année passée. C'est sûr. Bon, à la limite, ça va être un choix de troisième ronde. C'est pas grave, là. Ben oui, mais c'est Petrie. Écoute, j'écoutais, je lisais un article, je me rappelle plus le journaliste, qui mentionnait que, selon lui, Petrie, là, Gilbert est meilleur. Oh là, crime non, là. Ah, ben c'est un gars d'Edmonton là, qui disait ça. Ben, il est dans le champ en tabarnak. Là. Ben là, je ne sais pas, là. Tu veux jouer très, très souvent, toi, Petrie? Dis ça de même, là. Versus un journaliste de la place. Peut-être qu'il est dans le champ, pareil, là, même s'il est en place. Hein. Moi, j'ai hâte de voir là, vraiment l'impact qu'il va avoir. Ben. Parce que dernièrement, Beaulieu et Gilbert ensemble, c'est une troisième paire, ça faisait la job. Là. J'étais pas mécontent de leur travail. C'est sûr, mais Petrie, là, il va jouer avec Gunshar. Ses premières games à date, il était quand même été pas pire. Là. Le gars, là, il s'est fait garrocher dans le game. Aucune pratique, connaît aucun joueur, il arrive, met un nouveau jersey, embarque sa glace, commence à jouer, let's go, tu sais. C'était quoi le score de la game hier? Oui, mais c'est pas nécessairement de sa faute à lui. Non, je dis pas le contraire, mais en même temps. Non, on peut pas dire que c'était flagrant positif, là. Non, personne. Totalement d'accord avec toi, sauf que, écoute, je vais lui donner peut-être 5 matchs. On passe une game, là, c'est pas énorme là, comme échantillon, là, mais vous comprenez le principe. C'est ça, mais tu sais, on va attendre un peu, mais non, moi, je suis confiant pour vrai. Je suis vraiment confiant que ça va bien aller. Même son moins 25 ne me fait pas peur à Montréal. Non, j'ai hâte. Je te dis, j'ai hâte. Ça va bien aller. Je suis sûr que ça va bien aller. J'essaie de retrouver. Parce que, gars, moi, tu le sais, je visais Zbinek Michalek avec un troisième choix, les Blues ont obtenu ça, là, Mikalek plus un choix de troisième contre Maxime Letunov. Maxime Letunov, là, écoute, c'est qui ça? C'est vraiment un gros hockey futur. Allons voir ses cotes. Il est classé D pour le risque. D 7.5. C'est pas amer à boire, là. Tu sais? Non, c'est sûr. As-tu des espoirs genre des D 7.5 avec le Canadien? Je pense que Marc Bergevin, il se mouche puis il y en a 2-3 dans le Kleenex. Tu sais, des prospects ish. Là. On a une coupe. Mais en même temps, il n'a pas donné autant, là. Tu sais, c'est pas si pire, là. Je veux dire, il a quasiment rien donné. Il y a un joueur, puis c'est Jack Nevins, qui n'est pas près de la ligne nationale. Ça, c'est un ish, là. C'est un très, très gros ish. Tu sais, fait je sais pas, moi, j'ai un bon feeling pour le futur, là. On va voir si Petrie. C'est sûr que si Petrie ne signe pas à Montréal, t'as donné des choix de ronde pour rien. En espérant que tu finisses en bas de la première ronde, tu sais. Ça va juste être un deuxième puis un cinquième pour un joueur que tu n'auras plus. Mais si t'en vas loin, c'est sûr que si t'es pas capable de re-signer Petrie, là, c'est deux choix de ronde, un 2 puis un 3. Là, ça va avoir coûté cher. Là, je vais être d'accord. Là, mais pour le moment, on va. Moi, je trouve que bien joué. J'ai pas écouté la game au complet. Là. J'ai vu des highlights. Là. C'est sûr, je me fie un peu sur ce que l'on dit. Mais ils ont dit qu'il y a la quand game même est bien à 10h le soir. Là. Ah, non, ben, j'ai écouté la première. Puis m'a dit que dans l'entraque, je me suis endormi. T'sais. Guy Carbonneau n'a pas réussi à te réveiller. Voyons d'autres. Non, il y a. Lui pis son pep légendaire, ça a pas marché. Bon. Non, ça a pas marché. Mais non, en tout cas, moi j'ai hâte de voir. Là. Mais tu sais, on s'entend, il y a pas rien changé à la chimie. Le Canadien, aucun effectif NHL qui a été changé. Ça là-dessus. Il y en a rajouté. Torrey Mitchell, écoute, correct, là, je veux dire. Ce que j'aime, c'est qu'il connaît déjà son rôle. Le gars, il fait pas. Hey, moi, je vais aller à Montréal, moi, être dans un top 6 qui était genre à Buffalo. Là. Non. Il sait en arrivant ici. Moi, il va coûter la moitié du salaire parce que les Sabres gardent la moitié du salaire. Donc, il est à 2,5 millions total. Mais, tu sais, c'est juste la moitié. Là. C'est ça. Fait que, c'est pas super. Puis, il est totalement défensif, ce qu'on a de besoin. Non, ça je pense que c'est un bon pick. Sinon, Brian Flynn, moi, ce que j'aurais pas l'entendre, c'est que c'est un Thomas, mais plus gros, tu sais. Fait qu'on va voir, là. J'ai hâte de voir jouer, là, pour pouvoir vraiment faire une idée, parce que j'en regardais pas vraiment un game de Buffalo. Ces réseaux sociaux, hier, je faisais mon troll un peu, tu sais. Tu fais ça, toi? Ça m'arrive. Ça m'arrive. Subtil de même, là. Le Canadien s'est-il réellement amélioré avec des éléments des deux pires équipes de la Ligue nationale? C'est tout ça qu'on est en train de me dire, là. Parce que les gars qu'on a ramassés, Mitchell et Flynn, viennent des Sabres. Et ils étaient dans le bottom 6, donc clairement pas leur meilleur joueur. Et on était chercher l'autre défenseur, le Petrie, à Edmonton, qui est l'autre pire équipe de la Ligue nationale, à moins 25. C'est en train de me dire que l'équipe numéro 1 dans l'Est s'est améliorée avec du stuff des deux pires équipes de la Ligue nationale dans leur... pas leur meilleur stuff, là. C'est ça que ça prenait, genre, pour le Canadien passer à l'étape supérieure. Non, c'est sûr que j'aurais peut-être... Moi, j'aurais fait un gamble sur Chris Stewart, là. Ça a coûté quoi, hein, pour aller chercher, juste par curiosité? Ouais, non, c'est ça, je sais pas, mais... Stewart, un choix de deuxième. Pour vrai, là, un choix de deuxième pour Stewart. Ouais, ça, c'est trop cher, là, mais... En 2017, il est très, très loin, par exemple. Je viens d'en échappe ton crayon. j'en échappe la bobépine que je gossais avec. Ouais, non, c'est... Ben... Ouais, finalement, Cruise to World pour un deuxième, mais sinon, pour Petrie, je pense qu'il faut attendre. Puis les deux autres aussi, ils vont peut-être faire leur place puis tasser du monde. Moi, ce qui me fait chier un peu, c'est qu'il ait tassé Bournival. Oui, j'ai un amour inconditionnel pour Bournival. Il est travaillant. C'est ça l'argument que j'ai, mais quand même... J'aime Bournival, fait que j'espère qu'il va être capable de se rattraper et de revenir à Montréal. Hein. Sinon, bonne chance ailleurs. C'est... Parce que, mettons qu'on a une coupe là, des gars de bottom 6 puis des défenseurs là, 5, 6, 7, là, on en a genre une poche trée. Ouais, on en a trop. On en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est ça ma question. Bon. On s'améliore-tu vraiment avec les gars des pires équipes de la Ligue? C'est à voir. C'est la meilleure réponse que je peux te donner. Non, mais pour vrai, c'est sûr que dans les médias, je te dirais plus ou moins, mais en même temps, les gars ont joué dans des équipes de marde. Fait qu'à Montréal, vont-tu être meilleurs? Ça, c'est l'autre affaire qu'il faut voir aussi, tu sais. Ils vont peut-être, tu sais pas, Petrie, il va peut-être faire 20 points avant la fin de la saison de plus. Flynn va peut-être se débloquer et être un bon troisième trio avec Mitchell. Je sais pas pour rire. Petrie, il est quand même offensif, il est capable de faire des bonnes relances. Je pense, en tout cas, c'est sûr qu'il stabilise la défensive à Montréal. Pis ça donne de la profondeur. La seule affaire, c'est que McEmlin revienne, c'est qui va écoper? Beaulieu ou Gilbert? Tu connais déjà ma réponse, là. Mais. Ben, ça va être Beaulieu parce que Toué, là. Ouais. C'est ça le mais problème. Si Beaulieu continue à bien jouer, tu fais quoi? Ben, c'est parce que. Ben, non, passer la date limite des transactions, t'es pas obligé de le retourner. T'as plus de maximum de joueurs avec l'équipe. Ah, ok, ça se peut. Mais faut que ça fitte sous le plafond salarial. Ouais, ben là, pour moi, ça va fitter. Je pense qu'il y a de la place. Tu te l'as d'un comptable? Je sais pas. Tu te l'as d'un comptable? Non, je sais pas. Non, c'est en tout cas. Sérieusement, je pense que c'est à voir. Là. On va pouvoir en parler plus longtemps, plus tard. Pis, C'est qui l'équipe? Ce que moi, je me suis mis comme note la better loser. C'est qui la meilleure perdante? Dans le sens de je suis en mode reconstruction puis que j'ai fait des moves en fonction de l'avenir et non pas du présent. Dans tes meilleurs, tu me disais, on a nommé Philadelphie puis on a nommé l'Arizona. Oh, ben l'Arizona, c'est en fait le plein de pics, là. Ça, c'est sûr que ça l'aide. Toronto aussi, il me semble qu'ils ont été chercher une coupe de pics. Mais Toronto, je fouille. Ils ont même été capables de chercher. Tu sais, Oli Jokinen, ils l'ont rééchangé, ils ont eu un joueur puis un choix de ronde. Ça paraît pas, mais c'est du plus value. Hein. Mm-hmm. Dave Nunes, non. C'est pas ça que je cherchais. On fouille dans nos affaires, hein, c'est ça, Gary. Il y a tellement d'affaires. Oui, c'est ça, exactement. Puis écoute, il n'y a pas de site où est-ce qu'il est classé par équipe. Moi, ça me gosse, là. En tout cas. Moi, je serais partant pour dire l'Arizona, là, parce qu'ils ont quand même ramassé deux choix de première ronde pour les deux prochaines années. Là, pour des joueurs, tant qu'à moi, solidement moyens, entre autres Vermette, que là, oui, c'est de la surenchère. Là, pour un gars d'attaque là, qui en avait plus, fait qu'ils ont eu le gros prix. Là, mais l'Arizona, clairement, pour moi, là, même overall, je dirais que c'est les grands gagnants là, de cette présente guerre des transactions. Là. Ben, c'est surtout pour l'objectif de reconstruction. On met à deuxième vitesse solide. Là. Ouais, c'est ça. Puis sinon, j'ai pas trouvé pour Toronto, mais il me semble qu'il avait été chercher une coupe de. Mais eux autres, je pense que c'est plus cet été que ça va bouger là, avec les échanges. C'est clair que Kessel et Faneuf, ça passe cet été. Je pense qu'ils vont tout faire pour le trader. Est-ce qu'ils vont être capables d'aller chercher du stock, justement des choix de ronde et des bons prospects, ça, c'est à voir. Mais non, mais je pense qu'on y était avec un winner, l'Arizona, pour l'avenir surtout. Puis tu sais. Moi, j'ai hâte en tabarouette de voir Duclair et Domi. Il va-tu être capable de ramener l'intérêt du hockey en Arizona? Peut-être. Ou cette belle créativité-là va mourir dans le désert. Ouais, ou déménager à Québec. Peut-être. Si c'était à Québec avec Duclair qui jouait pour les Remparts, ce serait cool. Là. Ouais, c'est sûr. Il y a une couple de Québécois. Brandon Gormley était dans la queue étant jeune. Non, c'est cool. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Fait que c'est pas mal ce qui fait le tour de notre spécial peu préparé pour l'après-date limite des transactions. À moins que tu aies d'autres choses à rajouter, Jerry. Je veux juste rajouter un affaire. Ouais, vas-y. Chris Stewart a appris qu'il a été échangé par le gars de la télé qui l'a appelé pour savoir son sentiment sur les gens. Ouais. Puis, je sais pas si t'as vu la petite vidéo. Non, j'ai pas été la voir. Il a carrément dit Really? The Wild? Ah, oh, it sucks! Oh! J'ai vraiment trouvé ça drôle. J'ai fait Shit, c'est parce que t'es à la TV, gars. Tu sais, genre, ça te tente pas de t'en aller là-bas. Là. Sinon, une autre petite affaire aussi cute. La petite fille de Jordan Leopold qui a écrit justement au DG du Wild pour qu'elle ait été le chercher. Le petit moment cute. Mm. Et je sais pas si t'as vu passer, mais la joke, là, à l'inverse, il y a Il y a quelqu'un qui a fait genre une fausse lettre et qui partageait sur un site internet en disant oui, voilà ce que le Canadien a tenté, genre pour aller chercher des gros noms. Écoute, faut que j'essaie de retrouver. Claude Giroux. Ça. Ouais, Claude Giroux. Ça là, commence. Ça commence genre I am. Puis là, c'est écrit Marc, mais c'est comme barré. Alain Giroux. Je suis le petit frère de Claude. Acheteur, on est à Montréal, puis on aimerait ça, genre. Puis si, ah oui, son meilleur chum, c'est genre Jakub Voracek, ce serait cool qu'il vienne avec. Ouais, je pense que c'est définitivement Pierre qui avait. Ah oui, c'est ça, exact. T'es tombé dessus. Ouais, tu l'as. C'est toujours des petites. Ah, j'avais tellement trouvé ça drôle, là. Ou encore, genre, à deux semaines de la date limite des transactions. Gros, gros titre, là. Tu sais, ah, Marc Bergevin vient mettre la main, c'est un gros marqueur. Mais c'est un. Tu sais, le crayon jaune, là, un highlighter là, jaune. Là. un marqueur. Ouais, c'est un gros marqueur jaune. Ah, c'est ça. Ouais. Que, non, il y a bien du monde qui s'en donne à cœur joie. Puis il y a une couple d'années, c'était. Je pense que c'était Mauvais Oeil qui avait fait ça. Où est-ce qu'il faisait genre la liste des comme statuts Facebook ou Twitter de. Mettons dans le. C'était Pierre Gauthier. Puis ça, c'est tout des jokes genre 11h moins quelques avant la fin de la date limite des transactions. Je viens de peser sur tel piton sur mon téléphone, je suis prêt à recevoir des appels. Puis là, tu vois toutes les négociations entre lui puis du monde, puis c'est tout des jokes genre pour dire comment ça faussement s'est passé, genre, puis à la fin de la journée, ah shit, j'ai mis ça sur le hold. Ça, c'est pour ça que je recevais pas d'appel. Oups, excusez. Ouais. C'est très drôle. Ouais, tout le temps drôle, les petites affaires. Ouais. Fait que maman, c'était juste ça. C'était des petits plus. Ouais, qui ont marqué Twitter de Pierre Gauthier quand je viens de le retrouver. Je vais partager ça dès là. Écoute, en direct, en différé, sur le Facebook de Hors-Jeu. D'ailleurs, Facebook, hein, dis-nous comment est-ce qu'on nous rejoint, Jerry, pendant que je fais ça. Ben sur Facebook, dans le bord de recherche, vous marquez hors-jeu, tout collé. Parce que JB a décidé que le trait d'union, il n'en mettait pas. Nous autres, comme qui dit, on contrôle la française. Fait que, drette là, si vous voulez nous retrouver, c'est assez facile. Sinon, on a un Twitter aussi. Donc, où est-ce qu'il va partager le stock, j'imagine aussi. Ouais. Sur hors-jeu podcast. Donc, encore une fois, tout collé. Écrivez-nous, envoyez-nous des passes sur la palette. On va répondre à ça dans les prochains shows. Puis c'est bien le fun d'avoir l'interaction avec vous autres. Fait que je n'y fais pas pour nous écrire. C'est super le fun. Sinon, ouais. Attendez pas qu'on vous dise, hein, ça nous prend des passes à la palette. Faites-en tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, là. Continuez. On aime vraiment ça. C'est vraiment nice. C'est affaire de respirer. Non, non, tout le temps, j'ai dit. Ouais, c'est ça. Même quand tu travailles, quand tu vas aux toilettes. Mais écris-nous pas que t'es aux toilettes, par exemple, parce que c'est... Je suis aux toilettes, comment faire m'essuyer? Ce n'est pas le genre de choses qu'on veut se faire demander, OK, là? Mais sinon, non, c'est vraiment cool. Sinon, moi, personnellement, Jerry Goodbout, si vous voulez parler d'hockey, c'est vraiment cool. Achetez-moi, on va en jaser. Sinon, si vous avez des trucs geeks aussi, je suis sur les geeks qui sont parmi nous, donc avec William et Simon. On essaie de sortir un épisode par semaine, des fois, ils sont en retard. Ouais... Comme le dernier. Des fois, là. Hey, d'ailleurs, on a fait une solide game de Munchkin. Puis là, c'est entre les mains William. Là, faut qu'il mette ça en ligne. C'est tout monté, potline, puis prêt à l'écoute, genre, croche, là. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais non, c'est ça. Sinon, sinon, toi, on peut te retrouver où? La réalité augmentée, un show, un podcast genre les geeks, tu sais, genre parmi nous, mais tu sais, comme trois coches plus sérieux, avec Jason Statham tapissé partout, man. Puis c'est ça, on fait des critiques de films, de jeux vidéo, des fois de la technologie. Puis j'étais avec Daniel Caracena puis Luc Desormeaux là-dessus, puis c'est vraiment très très cool! J'appuie, c'est nice. Merci. Et ben réalité augmentée là, les réseaux sociaux, vous cherchez réalité AUG, AUG bien sûr pour augmenter, et vous allez nous trouver sans faute. Et Twitter, moi personnellement @gangj_b, c'est comme mon nom de famille, mon prénom, genre mes initiales, c'est cœur, hein? Et je vais gagner sur Facebook, c'est aussi simple que ça si vous voulez me jaser ça. Fait que c'est ce qui complète ce hors-jeu rapido presto. On se reprend d'ici quelques temps là, pour un show normal, comme d'habitude, une prochaine fois. Merci beaucoup, Jerry. Merci à tous, jouer. Merci les auditeurs. Et on se dit à la prochaine fois. Bye bye. Yes. Ciao là.